casser la tête, faut pas jamais faire semblant. Et si des mains ou pas ni l'argent, ça gaz là toujours présent. Nous comme vous voyez des vibrations, pour ça peut durer bien longtemps. Et puis on finit très profond. Nous comme mener des bons vivants. J'en ai assez. Tous les autres qu'a conseillé, mais c'est pas eux qui a payé. En j'avoue les gars prend bon gaz. Et c'est d'autres monde qui fortune. C'est bien la vie ou qu'a subi. Faut dernier jour arrêter. Et voilà la chose.